Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 27e jour de la deuxième lune de Sanguine de l'an 1131. Voilà une dizaine de jours que l'affaire Verneuil est close. Vous avez fait un rapport et mis à part une remarque d'Heidi qui vous est parvenue jusqu'à vos oreilles, cela ne semble pas énormément concerner le ministère. De fait, vous avez repris service. Vous avez décidé, ensemble, de faire le point sur l'ensemble de vos affaires en cours. N'ayant pas de nouvelles de Kanyo, c'est le moment idéal pour repartir à zéro et replonger dans vos propres rapports à la recherche du détail manquant pour rattraper il procedimento. Peut-être même pour trouver Elena Baletti, trouver ce qui s'est passé à Maria Zenati, ou même comprendre ce qui se cache derrière la Viridici. Voilà donc ce à quoi vous attelez depuis une petite dizaine de jours. En partie, évidemment, chacun a ses petits problèmes personnels à gérer. Mais ne parlons pas de problèmes, parlons plutôt de bonnes nouvelles. Car ce matin, alors que vous apprêtez à vous lancer dans cette énième journée de remise à niveau, de mise au point sur votre enquête, vous entendez la porte s'ouvrir. Et au bout de quelques secondes, apparaît Victor, grand absent depuis une quinzaine de jours. Victor, je te laisse dire le premier mot. Allô, comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait plaisir de vous voir. On avait fini par penser que El Procedimento t'avait retrouvé. Et non. J'avais une mission à faire. Des plus surprenantes. Je pense que quand je vais vous expliquer avec qui j'ai fait cette mission, je pense que vous serez énormément surpris. Mais ça n'en doute pas. Pris congé. J'ai eu la chance de passer plusieurs semaines avec notre cher et bien aimé Kanyo. Oh, mais quel honneur! Oui, alors, cela a dû être d'une grande. Ce fut une expérience, somme toute, surprenante. Dans le bon sens du terme. Je suis un peu étonné de ça d'ailleurs, mais. Vous avez réussi à faire ami-ami? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que faire ami-ami avec Kanyo, c'est, je pense, quelque chose qui n'est pas possible. Mais nous sommes rapprochés. Ah oui ? Tu veux dire que vous avez pu passer quelques moments, on va dire, de convivialité de collègue à collègue ? Eh bien, il a tenu attention à mon avis. Il en a tenu compte. Pour vous dire un peu le rapprochement. Ça peut être Non, et puis c'était la première. J'ai assouvi un désir qui était larvé depuis très longtemps, puisque, et non, ce n'est pas ce que tu penses, Esther, mais j'ai enfin pu sortir de Venise et visiter les contrées extérieures de la ville, chose que je n'avais jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que c'était fort dangereux, déjà. Sympa. Et de quelle part si cela n'est pas un secret. Non. Nous sommes sortis hors de la ville, mais pas très très loin non plus. Hein. On est sortis hors de la cité, mais des faubourgs un peu plus éloignés, disons. Une mission. Je vous ferai part de ce qu'il en est, mais sachez que les métropolites, le ministère a énormément est en tension en ce moment. Et il m'a expliqué d'ailleurs à cette occasion pourquoi nous allions à Paris. Et je pense que c'est une mission très importante. Voilà. Le lys noir, ça vous dit quelque chose? Le lys noir. Ah, oui, ça vient d'une organisation terroriste. Eh bien, c'en est la raison. Ok. Voilà. Avec ça, j'espère que Kaino sera plus aimable avec nous à l'avenir. Ce serait quand même agréable que sur le long terme, même si on va partir à ne pas le voir pendant un sacré moment, de pouvoir au moins le retrouver dans de bonnes circonstances. Et bien, sachez que... Sachez que j'ai aussi pu parler de ça de manière assez détournée. Pas de frontalité, parce que je savais très bien qu'il le prendrait mal. J'ai évoqué le fait qu'il était assez rude avec nous alors que nous nous donnions à 100% dans l'affaire d'Il Procedimento. Et même s'il est vrai qu'en ce moment, pour nous, c'est compliqué, que nous sommes un petit peu au point mort, même si des pistes sont là, mais on ne sait pas trop vraiment comment les utiliser. J'ai évoqué le fait qu'il soit assez rude et il m'a fait comprendre que c'était sa manière de fonctionner et que c'était pour lui un moyen de pouvoir exploiter à 100% les capacités de ses agents, à savoir que il, même s'il ne me l'a pas dit directement parce qu'il ne pourrait pas le faire, mais il estime que nous sommes peut-être ses meilleurs agents. Mais il veut que nous puissions donner 100% de nos capacités et c'est un peu sa manière pour lui de nous mettre sous pression et de faire en sorte que nous donnions notre meilleur. Et il m'a révélé une autre chose qui m'a beaucoup surpris et inquiété à la fois. C'est qu'il se sait en danger et que sa vie, des gens en veulent à sa vie. À chaque instant. Il ne sait pas à qui, mais il sait que ses jours sont comptés dans la ville de Venise et qu'il est. Et c'était aussi un moyen pour lui de donner le meilleur de lui-même. Et il utilise cette pression, cette tension au jour le jour pour s'améliorer et être meilleur. Et c'est ce qu'il attend de nous. Je n'ai pas su trop comment lui répondre, mais quelque part, il s'inflige la même chose qu'à nous. C'est intéressant. Après, est-ce que lui et sa famille risquent qu'il est vraiment sur la sellette, comme cela peut être le cas pour nous, j'en sais rien, mais j'imagine que si jamais on arrive à Il Procedimento à le capturer et que Kaino ne décède du coup visiblement pas dans les prochains mois, on pourra dire que la méthode porte ses fruits. En tout cas, au moins content que les choses soient bien passées, au moins elles vont dans le bon sens. Je voulais savoir, du coup, enfin, j'imagine que les autres aussi, est-ce que vous avez parlé un petit peu de l'affaire, du coup ? Je veux dire, j'imagine que vous n'avez pas pu vous empêcher d'au moins avoir une discussion à ce sujet. Avec Cadio ? Ouais. Pas du tout. Ah, il a même pas de théorie personnelle qui t'aurait partagé ou d'informations un peu... En fait, notre mission... puisque je ne vous ai pas du tout évoqué ma mission depuis que... était d'une importance capitale. En fait, comme je vous l'ai dit, ils sont très inquiets de la montée en puissance du Lys Noir. Si vous avez le souvenir de ce qui s'est passé, les troubles dans la ville où nous avons échappé au pire, eh bien... L'épidémie et les émeutes. C'est ça. Et en fait, il s'est avéré que... Et ça, il m'a mis dans la confidence qu'il n'était pas obligé de le faire, mais le Lys Noir a réussi à infiltrer le ministère. Plusieurs agents du ministère étaient des agents du Lys Noir et ils montaient les uns contre les autres. Les gens du quartier avec nous, et d'ailleurs, même dans les gens du quartier, il y avait des agents du Lys Noir qui mettaient de l'huile sur le feu pour que finalement on s'entretue et que ça porte discrédit sur le ministère. Dans quel quartier ? Les bas quartiers ? C'était le quartier sud des usines de Nice, puisque c'est là en plus où habite Esther. Et donc, nous avions pour mission de retrouver une certaine personne qui vivait en dehors de la cité et qui avait un réseau et faisait partie du coup de cette organisation pour récupérer des infos et pouvoir peut-être s'organiser contre le Lys Noir. Malheureusement, il s'est jeté dans les crimes. Il n'a pas voulu se rendre et a préféré se donner la mort. C'est une mode, dis-donc, en ce moment. Il faut croire, mais... Ça a été plutôt compliqué. Nous avons été... nous avons beaucoup combattu. D'ailleurs, Cagno a été blessé pendant les heures. Et nous avons loupé de peu. Des blessures graves ? Non, Cagno, il encaisse. Mais voilà, et c'est là qu'il a évoqué le fait que nous allons à Paris parce qu'ils ont peur que le Lys Noir... reproduisent ce qui s'est passé chez nous pendant l'exposition universelle. Et ça va être notre mission de surveiller les agissements du Lys Noir et peut-être mettre la main dessus lorsque nous serons là-bas, parce qu'ils estiment que nous sommes les meilleurs agents et les plus qualifiés pour cette tâche. Ça va nous faire un peu du bien, peut-être de voir... autre chose que il procedimento, je pense, à moins que nous ayons des nouvelles de lui avant de partir. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien noté que pour certains d'entre vous, ces derniers temps, ça a été compliqué. Avant que je parte, j'ai bien senti que vous étiez tous un petit peu avec le moral dans les chaussettes. J'espère que ça va mieux pour vous aujourd'hui. Du mieux qu'on peut. Ok. Avec. Et vous, qu'est-ce que ça a donné d'ailleurs, pendant que j'étais pas là ? Et boucler l'affaire. Comment ça, boucler l'affaire ? Et oui. Si maintenant c'est terminé, enfin, on se raconte. on l'a chopé là, il est menotté dans la salle. Il me semble que tu... Non, on a bouclé une affaire même pour le début de la guerre, il n'était pas là, non? Oui, il est parti avant le retour de Kornilov. Donc toi, ce que tu sais, Kornilov, mais lui, il ne le sait pas. Ah, d'accord. Bien, on a eu une affaire assez pleine de rebondissements avec une histoire d'assassinat sur 3 personnes, dont un diplomate. Au final, c'était pas les personnes qui étaient visées, c'était d'autres. C'était assez compliqué. Et au final, on s'est retrouvé avec notre coupable qui s'est débattu et qui a dû être abattu. Ok. La routine, quoi. Oui. J'ai envie de dire. En tout cas, c'est bien. Vous êtes un peu éloigné de lui. En effet. Peut-être surtout pour toi, Kornilov. J'ai bien senti que ces derniers temps, c'était compliqué. Eh bien, en espérant que... Je ne sais pas, si vous avez d'autres questions, je pourrais essayer d'y répondre. Mais là, je pense vous avoir dit en gros un résumé bref, mais je pense le plus complet possible de ce qui s'est passé. Mais ça m'a quand même permis de voir Cagnos sous un autre jour. Il n'est pas toujours l'homme avec cette froideur glaciale. C'est bien de savoir, j'imagine qu'il peut y avoir un homme derrière. Peut-être le père qui joue face à nous. Après, je vais pas mentir, j'ai toujours. C'est pas du tout quelqu'un que j'apprécie, mais bon. Au moins, on peut nuancer un petit peu. Peut-être qu'avec le temps, ça le rendra un peu plus humain. Et... Faut que je les éteins. Après, faut voir, hein, il est quand même mêlé dans des histoires un peu compliquées. Enfin, je vous ai déjà raconté avec Aelig notamment. Il a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez dur. Ah, le pouvoir rend froid et implacable parfois. Qui sait, peut-être qu'un jour on lui rendra visite quand il sera à la retraite, faire des barbecues le dimanche et parler des bonnes choses. Avec un bon verre de whisky. Du quoi? Mais écoute, ou de l'absinthe, si tu préfères, Hugo. Ah, ça, c'est plus accessible. Je connais même très bien. Bon. Mais en tout cas, pour le moment, les affaires sont au point mort. On n'a pas de nouvelle enquête, donc on n'a que qui nous reste d'avant. D'accord. Bon, c'est le moment où on arrête tout. Bon, voilà, c'était Écrime session 35. J'espère voilà, que ça vous a merci. Plu. Ah, dans 2 semaines. Non. Non, c'est le moment où je vais un peu vous conseiller. Ça fait partie de ce que je vais dire dans le briefing, j'avais oublié, mais. Vu que c'est, comme je vous l'ai dit, voilà, dans le briefing, un peu scénario, voilà, emploi du temps, tout ça, un peu géré, n'hésitez pas à utiliser cette session-là pour, si vous voulez, rediscuter entre vous des affaires, même prendre le temps vraiment d'aller sur le Discord, de rechecker des trucs, de vous échanger des théories que vous avez, des. Je vous conseille de commencer par ça et vous verrez peut-être plus clair pour ce que vous allez faire à la suite de cette session et parmi les autres. Écoutez, déjà oui, ça, encore une fois, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Après, par rapport à nos affaires, j'avoue que un petit petite remise à jour s'impose. De souvenirs, nous en étions toujours en train de rechercher cette fameuse Baletti. Oui. Alors, mort ou vivante, je ne sais pas. Non. On peut croire le majordome. Tu penses? Oui. J'ai une petite théorie. Oui. Mais enfin, elle est un peu nulle. Hein. On est d'accord, on est. Vous validez ou invalidez ce que je veux dire. Mais a priori, le trouver Baletti, c'était il procedimento qui nous l'avait envoyé, on est d'accord. Comme un indice pour nous narguer ou quoi que ce soit. Bah, il l'avait envoyé avec le masque, soit lui, c'est ça soit... Est-ce que n'aurait pas été un moyen de sa part, en partant du principe que Baletti est vraiment morte, puisqu'a priori elle a l'air vraiment morte, de nous envoyer volontairement sur une fausse piste parce qu'on pensait qu'on était paumé et que du coup il se foutait de notre gueule tellement on était à la ramasse, mais qu'en réalité on était en fait à deux doigts de le coincer le jour où il a fait ça. Parce ouais. qu'a priori elle est bien morte. Ouais. Bah, après, une chose est sûre, on sait qu'elle est connectée à Il Procedimento, enfin du moins à la figure Il Procedimento, de par la pièce. Ouais. Ça c'est une certitude. Et... Oui. A priori, tous, je ne crois pas. Non, mais le truc, c'est que sans l'intervention de, entre guillemets, Il Procedimento qui nous envoyait sur Baletti, nous n'aurions jamais su que Baletti avait un rapport avec la pièce et donc avec le personnage et donc avec Il Procedimento. De souvenirs, je me sens. Oui. Comment est-ce qu'on avait repéré une similarité au niveau du crime, non? C'était pas ça qui nous avait fait nous intéresser à elle à la base? Sur le fait que le meurtre sur lequel on était en train d'enquêter était similaire à ce meurtre qui avait été commis il y a longtemps? Oui. Alors, résumé. Je peux vous faire un résumé, moi, de tout ça. Vas-y. Alors attendez, je vous propose quelque chose. Je vais organiser un petit peu de place au niveau du grand salon. On va poser quelques coussins sur le grand fauteuil, sortir quelques verres, se poser, sortir tout un tas de plaques. Ainsi que, est-ce que ça existe le liège? Du coup, je crois pas. Non, quand même pas. On peut peut-être pas. Parce que il n'y a pas de papier accroché sur le tableau de liège. Je fais confiance aux spécialistes par rapport à ça, parce que moi je sais pas. Bah, du liège, c'est fait. Non, ça ira. Et du coup, on va s'installer bien et se commander à manger et pouvoir se poser et réfléchir à tout ça tranquillement. Avant que vous parliez, je vais revenir sur une question que j'avais vue. Je sais qu'elle va revenir et je vous permets, comme ça, je suis quand même là pour ça. Sur le fait que les victimes se connaissent, il y a effectivement des liens entre les victimes que vous connaissez. Et voilà, que vous connaissez. J'insiste juste sur le que vous connaissez, parce qu'il y a un gros trou dans l'affaire avec Procedimento. Mais effectivement, par contre, on peut trouver des liens des fois. Finir. Du coup, j'aimerais, même si quand même, voilà, on va faire son petit résumé. Que au moment du coup où on enlève le masque, même si voilà, il y a pas, c'est pas sûr que ma théorie a priori elle a pas plus de raison que ça d'exister, mais ça peut valoir le coup d'y penser, de voir à quel état d'esprit on en était au niveau de l'enquête. Est-ce qu'il y avait même un truc un peu flou et sur le coup qui nous paraissait débile, qui est bancal, qui finalement pourrait être la solution, peut-être notamment avec les informations qu'on a recueillies depuis. Mais du coup, voilà, on verra ça. Très bien. Alors, story time. On va revoir cette histoire de Baletti ensemble. Alors, Baletti, on s'est intéressé à ce cas en particulier parce que quelqu'un a donc déposé la fameuse boîte avec la plaque et le masque d'Il Procedimento qui disait trouver Elena Baletti. Cette personne qui a déposé, on le sait, ressemblait de manière assez inquiétante, assez mystérieuse, à Maria, la fameuse Maria sur laquelle on enquêtait déjà avant, qui était mourue de la maladie, dont j'oublie toujours le nom. La phtisie. La phtisie, voilà. J'allais encore parler d'une maladie qui existe dans Dégénésis, mais... c'était pour ça. On s'est intéressé à Elena Baletti, et on a découvert qu'elle était morte, elle aussi, de cette maladie. Donc c'est assez mystérieux parce que la personne qui nous a donné la boîte est Maria, serait Maria morte cette maladie, Elena Baletti est morte cette maladie. C'est là le lien qu'on a fait qui nous a fait dire qu'Elena Baletti c'était pas juste n'importe qui. Il y avait forcément un lien. En creusant sur Elena Baletti, on a parlé avec sa famille et tout ça. Elle a été trois fois doge, je crois, ou deux fois, enfin trois fois, et de différentes deux fois. Différentes loges. trois fois de deux loges. Trois fois de deux loges. C'est pas ça? Ouais, parce qu'il y a eu cumul des mandats, effectivement, et quand elle pouvait pas se représenter, elle a changé de loge, ce qui n'était jamais arrivé. Alors, sa famille est remplie de génies, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils font tous, mais c'est des gens qui savent faire des trucs. Et on a interrogé de manière très polie donc son ancien majordome, et nous avons donc découvert que lui aussi a trouvé cette affaire très étrange, que Elena Baletti, enfin que le corps d'Elena Baletti est disparu après sa mort, a priori, avec la disparition aussi du légiste qui s'occupait de son corps. Et à force de creuser, il s'est fait tabasser par Il Procedimento, qui est venu chez lui pour lui faire comprendre qu'il fallait pas enquêter. Depuis, il enquête plus, a priori. Et c'est le point où on en est plus ou moins. Voilà, il me semble que j'ai tous les éléments les plus importants. Quelqu'un a des choses à dire, vous pouvez, mais je crois que j'ai tout le truc. Ouais, donc ce qui confirme bel et bien que Baletti est quelque chose d'important, enfin une personne importante par rapport à Il Procedimento. Parce que si il a pris le temps de venir tabasser son majordome, après, selon les dires du majordome, bien entendu, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il pouvait être menacé. Oui. Ah, un autre point. Très important, enfin, je pense que c'est important, c'est que Elena Baletti était obsédée par une pièce de théâtre, si je me souviens bien, qu'elle faisait jouer quasiment en boucle à une troupe en particulier. Les ombres et les lumières. C'est ça. Dont on avait déjà entendu parler, ou alors c'est grâce à ça qu'on a entendu parler, bref. Plus tout voir. Mais c'était important, et on avait été voir cette troupe, il me semble. Oui, la troupe qui jouait. On était très loin. Ben, on avait rencontré la troupe qui était venue exprès pour jouer de façon régulière ça, et elle le jouait à plusieurs personnes, donc il devait être 3-4 grand maximum à regarder la pièce. Il y avait elle, et je crois qu'il y avait une autre femme, je crois que c'était pas sa rivale Si, c'est ça, c'est sa rivale. Et il y avait un homme. Non, il y avait un homme et une femme, en plus, je crois. Mais on n'a pas su qui c'était, vraiment. Il y avait le majordome. Ça, le majordome. Et, ouais. Je conseille de... Si vous vous souvenez de pourquoi vous avez eu connaissance de cette pièce... C'est le masque. C'est ça. On a enquêté sur le masque. On a voulu savoir, on a questionné des gens si le masque leur disait quelque chose. Et je crois, la mère ou la grand-mère, je ne sais plus, qui nous a dit que ça lui évoquait une pièce de théâtre qui ne se jouait plus parce que là, les gens, ils s'en foutent. Ça nous a orienté vers cette troupe. C'était pas ça. C'était vrai, c'est quoi ? On avait demandé à une experte une costumière en gros, qui elle avait mené l'enquête, on lui avait passé le masque et qui nous avait fourni tout ça. Ah oui, c'était de Kornilov, c'est ça ? C'est ça. Ah oui. C'est ça, oui. Okay. Du coup, c'est elle qui nous a orientés vers la troupe de théâtre qui était toute vieux et qui ne faisait plus du théâtre aujourd'hui, quasi. Et on les a rencontrés. Et je sais qu'ils nous avaient dit qu'il y a des pièces qui ont été perdues. Ils n'ont pas retrouvé certaines pièces. Et je crois que le masque était perdu, d'ailleurs. Et autre chose, il n'y avait pas que le masque, il y avait un masque et je sais plus, peut-être la robe ou... Voilà. Du coup, il y aurait trois choses, je pense, à mon sens, à peut-être creuser à partir de ça. Oh putain, je viens de déranger toutes mes notes. C'est... Voilà, bah c'est ça, Cornelope, de ne pas ranger tes papiers. Hein. Enfin, non, ouais, tes plaques. Ouais. C'est... Alors, ce, tes plaques. Serait... ce serait toujours cette troupe, peut-être. De... Je ne sais pas s'il y a des choses à creuser avec cette troupe. Je ne me souviens pas qu'on ait creusé très profondément avec eux. On a juste parlé une fois avec eux. Ouais, ouais, on... c'était très rapide. Il hein. Y aurait la... sa rivale. C'était très qu'on... Il me semble qu'on n'a pas été voir. Non, c'est... on n'a pas été voir. Qui était à l'époque doge de la noce, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est quelqu'un ouais. d'autre maintenant. Et on n'a pas non plus, il me semble, été voir du côté de son médecin de ses derniers moments, pas le légiste, le médecin de ses derniers moments, ouais. dont on a le nom, qui est Ernest Confortini. Oui, c'est vrai. Qu'on n'a pas été voir, il me semble, parce qu'on est tout de suite parti sur la piste de poser des questions polies au majordome. Voilà. Et je tiens à dire que je n'étais pas là. Oui. Pourtant, par contre, j'ai failli m'en prendre une. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, nous n'avons qu'à choisir quelle personne nous allons aller questionner. Le médecin me semble le plus intéressant, personnellement. Oui, oui. On peut tout à fait commencer par le médecin et on verra par la suite. Ça vous va, Esther et Hugo ? Moi, ouais, personnellement, je valide. Je ne viendrai pas. Quoi ? Je ne sais pas comment faire autre chose. Ok. Ah. D'accord. Bien, je commençais par ça déjà. Oui. Oui, non, mais vas-y, dis. Non, je voulais dire, ouais, j'aurais peut-être besoin aussi d'un certain moment de prendre un petit peu de temps pour moi pour travailler sur d'autres trucs un peu importants. Comme vous voulez. C'est la phrase du scénario. Non, mais après, on peut toujours y aller. Je peux toujours y aller avec Cornelov, et puis si vous avez des choses à faire. Voilà, pas de soucis. Ça vous dérange pas, je pense que je vais faire ça. Et comme ça, moi, je suis sûr qu'une fois que j'ai réglé les trucs que j'ai à régler, bah, après, je suis disponible avec vous 100% pour la suite. Pas de soucis, pas de soucis. Très bien. Ok. Alors, je vais du coup poser la question d'abord à ceux qui restent. Hugo, quels sont tes plans pendant que Cornelov et Victor vont aller traverser un petit potelant de ville, histoire d'interroger un médecin ? Eh bien, je souhaiterais me rendre au centre de formation, c'est-à-dire à l'école... des métropolites qui peut être au ministère. Je pense que ce serait logique, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et je voudrais reprendre contact avec notre ancien nos anciens simplement percepteurs. Les percepteurs, c'est ils ont appris percepteurs, c'est... Entre autres, je sais qu'il y a Aelig, enfin, il y a tout ce beau monde, mais j'imagine qu'on devait avoir des gens aussi qui nous ont appris d'autres choses, je sais pas, enfin, j'aimerais reprendre justement, avec tout ça, je sais pas. Y avait ouais, eu j'aimerais reprendre avec contact avec tout ça. Pour être métropolite, en fait, t'as un concours d'entrée, et en gros, c'est Aelig qui a dû tout vous apprendre, etc. Elle était vraiment touche à tout. C'est elle qui vous a appris de l'histoire de Venise, de trucs de l'histoire du ministère, aussi des formations militaires, etc. C'est vraiment en fait, vous avez un prof particulier qui vous coach en fait dans ce que vous devez apprendre, ce que vous devez avoir en tête quand vous rentrez chez les métropolites si vous êtes accepté. Du coup, il n'y a qu'elle, mais rien ne t'empêche. Soit de reprendre contact avec elle si tu veux pouvoir poser des questions par rapport à la formation, tout ça, soit d'aller du coup au centre de formation institutionnelle des métropolites pour demander à une autre personne qui a le même rôle que Aelig mais qui n'est pas ton tuteur direct. Quoi. Tu peux faire les deux, c'est comme tu veux. Et bien, je vais faire ça. La deuxième ? Oui. Ok. Et Esther, du coup, dis-moi ce que tu comptes faire. Alors, du coup, de mon côté, je pense que je vais rentrer chez moi au niveau des usines. Déjà, je vais commencer à discuter un petit peu au niveau de toutes les personnes que je connais là-bas de mon départ à Paris, parce que forcément, ça va poser beaucoup de soucis, parce que même si on n'en parle pas beaucoup durant les sessions, j'ai toujours officiellement un travail là-bas de supervision, un petit peu de direction. Mais bon, voilà, j'ai parfaitement confiance pour la relève. Mais surtout, je vais aller au niveau de mon appartement et rassembler quelques dernières affaires. Alors les autres, c'est vrai qu'on n'en aura peut-être pas trop parlé, mais ces derniers temps, je dors de moins en moins chez moi et je passe de plus en plus de temps ici. J'ai notamment, par exemple, ramené mon lézard et là, j'aimerais récupérer 2-3 autres affaires un petit peu importantes. Et puis, une fois que... Je pense que je vais travailler surtout chez moi, mais j'emmènerai du travail après, enfin des affaires après. Je vais surtout travailler pour voir si je pourrais pas encore améliorer une dernière fois tous ces petits prototypes de vélo. Puisque là, on va être amené à partir et c'est vrai qu'avoir un truc un peu tout terrain comme ça qui pourrait nous accompagner tout le long du voyage. Peut-être notamment au niveau de l'entretien, être sûr que, genre, une fois à Paris, vu que j'aurais pas tout mon matériel avec moi, si jamais ça venait à mourir, qu'on se retrouve, j'aurais pas de quoi changer les plans ou avoir des pièces pour tout. Donc, il faut maintenant penser à tout ça, à ce que ça tienne dans le temps, etc. Et du coup, je vais gérer tout ce genre de trucs et puis j'en profiter pour faire un coup de ménage, etc. Et puis. Je pense que là, l'enquête, on va être à fond dans les prochains jours, donc je vais sans doute aussi dire au revoir à la plupart des gens que je connais. Ce genre de truc. Avant de mourir. C'est parfait. J'aurais une question rapide. Quand tu t'y rends, du coup, vu que tu t'y vas un peu en inofficiel, j'ai envie de dire, tu y vas en une métropolite en mode, bon, c'est que je suis quand même en boulot, ou est-ce que tu y vas en mode, pour dire au revoir, j'y vais en Esther citoyenne, quoi. Je pense que non, je pense que j'y reste en non, je pense que j'y vais en Esther citoyenne. T'as raison, je vais avoir ma tenue dans mon sac, mais là sur le coup, je pars en Ok, parfait. Le même pour moi, parfait. Ah non, j'y vais en métropolite, pardon. Non, désolé. Oui, en même temps, comme tu vas dans un bâtiment de métropolite, c'est pas bête. Eh bien, dans quelle heure je vais faire ça? Je pense que je vais quand même commencer par le petit duo. Comme ça, on pourra après regrouper avec le solo, etc. Même s'il faudra faire un truc. Donc, on va faire ça. Du coup, en ce début de matinée, il doit être quelque chose comme 9h30 à peu près, Kornilov et Victor vous apprêtez à quitter le QG Indigo. Vous serez suivis de près par Hugo et Esther, personne ne reste là, mais vous avez tous des chemins un peu différents. Sachant que Esther, bossant sur les vélos, vous allez devoir vous y rendre... vous en doutez, à pied. Que nous sommes en plein de Sanguine, et je ne le dirai jamais assez durant cette geste, Sanguine est une des teintes les plus difficiles en termes de conditions météorologiques. Et vous en doutez, s'il n'y a pas de tempête, il y a une chaleur étouffante, une chaleur électrique. Vous sentez que le prochain orage est un orage qui risque de durer 2-3 jours, d'être vraiment très violent, donc... C'est le moment de faire des grands déplacements, donc vous avez raison. Vous quittez donc tous le QG et je vais changer de musique. Bon, en même temps, après ce que j'ai vécu en dehors de la ville, ça me fait pas peur. Un petit peu de vent. Un petit peu de vent chaud. Oui, j'ai eu la chance de marcher dans les crimes! Et oui, grâce aux échassiers. Ah, t'as appris le bon métier alors. Ah ouais. Et je vous raconte pas vivre plusieurs jours sur des échasses, dormir sur des échasses en permanence, dormir 30 minutes, un petit bout par-ci par-là, et toujours avec la peur de tomber et de finir liquéfié. Ah ben, ça rapproche les gens. J'en sais quelque chose. Tu sais que c'était mon métier avant dans ma jeunesse. Oui, c'est sûr. Mais... C'est pour ça que je ne comprends que trop bien ce que tu as vécu aujourd'hui. Bon. Tu penses qu'on va trouver quelque chose avec ce médecin ? Ben, j'espère. Tout a l'air de tourner autour de cette maladie, de disparition mystérieuse une fois qu'ils en meurent. J'espère qu'il a quelques idées. Peut-être même qu'il a été en contact avec ce fameux légiste disparu dont on n'a toujours pas le nom, si je me souviens bien. Ouais. Qui sait ? Écoute, on verra. Après, j'ai un peu l'impression que parfois les gens ont peur de s'exprimer, ont peur de dire les choses. Et c'est un sacré problème. Ouais. La vie serait bien plus facile et la ville serait sûrement beaucoup moins dangereuse si les gens faisaient confiance aux forces de l'ordre comme nous. C'est ça. On n'a rien fait de particulier pour mériter tout ça. C'est vrai. Enfin, on verra bien. On marche. Oui, mais c'est parfait, c'est très cool, une petite discussion comme ça de voyage. Moi, ça me va très bien. Et je reprends donc la narration. Vous marchez quand même quelques très bonnes heures. Pardon, je viens de voir un gif. Vous marchez quand même quelques très bonnes heures. Vous arrivez là-bas, en fait, au plutôt début d'après-midi. Il vous a fallu quand même un temps pour remonter, malgré tout. Et pour arriver, notamment... par trouver ce fameux médecin qui, par chance, se trouve dans un bâtiment institutionnel, puisqu'il y a souvent, vous savez, des rencontres de médecins, ce genre de choses, donc vous avez pu apprendre assez rapidement où le trouver, et il était facilement accessible. Vous rendez donc dans ce bâtiment, il y a une personne à l'accueil, et vous pouvez tout simplement lui demander de vous entretenir avec Monsieur Confortini. Et tout simplement, on va vous dire, il n'y a pas de souci, on vous l'appelle et il vous recevra dès que possible. Vous allez quand même attendre un peu. C'est une petite bonne minute. Je ne sais pas si vous faites quelque chose en l'attendant ou vous l'attendez juste, sagement. Oh, je pense qu'on peut toujours continuer un peu à évoquer les derniers jours qui sont passés, ce qu'on a fait chacun un peu de nos côtés. Moi, continuer un petit peu à raconter... mon quotidien avec Cagno, les crimes, les échasses, et puis moi, de demander comment s'est passé les jours où j'étais pas là, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est tout. Bah oui, bah parfait. Et donc vous discutez. Et finit par arriver un plutôt vieil homme. Un peu plus jeune quand même que qu'on appelle ça majordome, excusez-moi, j'avais perdu le mot majordome, un peu plus jeune quand même que le majordome d'Aena Baletti, mais quand même voilà, un petit homme grisonnant, vous direz à peine plus âgé que Kornilov. Il se présente à vous dans une tenue pour le coup très bien habillée, hein, il a plus l'air d'être un homme d'affaires que d'un médecin. Et tout simplement, à votre niveau. Fait. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Nous sommes... Alors, on est en tenue, hein, j'imagine. Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes métropolites et... nous avions quelques questions à vous poser sur une de vos patientes. Ancienne patiente. Ancienne patiente, oui. Oui, dites-moi tout. Je regarde Kornilov, je laisse la main. Madame Baletti. Tu vois, son visage qui était un peu souriant se fermait d'un coup, enfin... Non, je... Je suis désolé, soyez concis, je ne veux pas en parler plus que de raison. Il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème, alors ? Il semble bien avoir un. Évidemment. Évidemment. Je ne sais pas sans savoir les conditions de son décès, et cela... je suis formellement outré par ce qui s'est passé. Dites-nous tout. Pourquoi ? Je n'ai pu poursuivre la relation avec ma patiente que je connaissais depuis sa naissance, que j'ai pu suivre. Et voilà, un autre médecin s'est chargé de ces derniers traitements, et chose qui était dont je suis furieux, parce que moi je sais guérir l'aphtisie, ce n'est pas ma spécialité, mais je connais, j'ai étudié, et je tenais ce qu'il fallait pour qu'elle s'en sorte. Je pense que ce médecin excusez-moi, je m'emporte. Et en gros, on vous a demandé de ne pas la soigner. J'ai eu... ce n'est pas demandé de ne pas la soigner, j'ai eu tout simplement... j'ai été informé que Madame Baletti était suivie par un autre médecin pour guérir sa phtisie. Pourquoi toutes ces questions écoutez, que se passe-t-il? J'ai une question à vous demander, étant donné que vous avez l'air d'être plutôt bien calé dans le domaine de la phtisie. Selon vous, est-ce qu'il est possible que dans les derniers instants, dans les derniers instants d'une personne atteinte de cette maladie, qu'elle puisse... être en pleine forme et ne pas avoir de symptômes particuliers, du moins pour les gens, c'est-à-dire est-ce que physiquement avoir une attitude tout à fait normale et quelques jours après mourir de l'aphtisie. Non, l'aphtisie est une maladie qui ronge. Vrai dire, en fait, généralement, on meurt de complications, on attrape autre chose en même temps. Il existe vraiment plein de personnes qui arrivent à en guérir. Alors, ça dépend vraiment. Ça reste une maladie mortelle qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais à vrai dire, le plus gros taux de mortalité, c'est surtout que malheureusement, ça touche des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des médecins qualifiés comme moi. Mais c'est un peu compliqué, c'est une maladie dont on ne peut pas guérir avec des plantes, ce genre de choses. Hein. Ce sont des cures et des fois ça peut mal tourner, mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la durée, on meurt rarement d'une maladie fulgurante. Je veux dire, prenez donc... La pauvre Madame Baletti se a pris quand même quelques lunes. Hein. Oui, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que une fois que la phtisie a été diagnostiquée, jusqu'à son trépas, elle est de plus en plus faible et jusqu'à son décès, oui. En fait. Il n'y a pas de... Si cela empire, oui. Effectivement. C'est, je ne crois pas avoir connaissance. Après, ce n'est pas la maladie dont je traite le plus, hein, mais... Mm-hmm. De ce que j'ai étudié, je n'ai pas eu connaissance de cas où la maladie disparaîtrait temporairement. Voilà, et c'est un décès, enfin une mort plutôt lente. Oui. Ouais. Okay. Enfin, du moins pas fulgurante à ce point. Pas au point d'être parfaitement en forme trois jours avant, comme vous le disiez. Est-ce que c'est une maladie très contagieuse ? C'est une maladie plutôt contagieuse, mais disons qu'il existe plus contagieux à l'heure actuelle. Mais est-ce que des gens qui seraient... On ne sait pas vraiment. Hein, c'est, vous savez, c'est tout nouveau, hein, cette étude des maladies, de comment ça se transmet. Beaucoup de gens, d'ailleurs, pensent encore que nous ne transmettons pas réellement des maladies par le contact, par ce genre de choses. Donc, c'est encore à débat. Je ne pourrais pas vous apporter une réponse. Ok. Et donc, selon vous, même des personnes qui se seraient protégées pourraient l'approcher sans trop de danger. Oui, nous pouvons approcher. Enfin, il vaut mieux être prudent, mais moi, je pense qu'il peut avoir une transmission. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, encore une fois. Voilà, je suis désolé, vous savez, c'est tout récent, et d'ailleurs, les loges se posent encore la question de qu'est-ce que... Ben, qu'est-ce qu'ils prennent en compte ou non. Donc, vous êtes sur un terrain un peu miné, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Donc, et vous savez qui est ce médecin qui se serait occupé d'elle? Impossible de trouver son identité. C'est simple, impossible d'ailleurs de trouver une quelconque trace de ce médecin. J'avais eu vent d'un nom lorsque Madame Baletti était encore en vie et je n'ai jamais retrouvé quiconque qui portait ce nom. Donc, Vous pouvez nous le donner? Je m'en souviens plus, je suis désolé. C'était de quelque chose. De quelque chose, donc un peu. Une grande famille? Oh non, ce n'était pas un de nobilaire. Ah d'accord. C'était un de. Plutôt classique, mais je n'ai plus souvenir. De Venise? Une consonance vénitienne? Vénitienne ou... Oui, une consonance vénitienne, effectivement. Ok. Donc un dieu quelque chose, d'accord. Je regarde pas Nilof. Oui. J'aimerais vraiment savoir pourquoi toute cette question. Est-ce que l'enquête est réouverte sur Madame Baletti? Elle est. Je suis ravi de l'apprendre. Vous savez, sans vouloir insulter les hommes qui vous ont procédé, j'ai l'impression que l'importance de l'affaire a fait qu'elle a été clos un peu rapidement. Et je vous en conjure de croire quand je vous disais que il y avait quelque chose d'étrange avec ce médecin, surtout que le traitement que je lui donnais aurait dû la guérir, je le pense, qu'elle n'était pas si affaiblie, elle n'avait pas de symptômes aggravés de la phtisie, donc je ne comprends pas comment a-t-elle pu passer d'une petite affection, même si cela reste une maladie importante. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait vraiment... Enfin, de ce que j'ai pu diagnostiquer, je n'ai pas vu de gros symptômes qui annonçaient quelque chose d'aussi tragique. Ouais, vous pensez qu'on l'aurait assassiné? Oh, je ne peux pas me permettre ce genre de supposition. Je pense juste que il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans tout ce qui s'est passé, et malgré les années qui sont passées, je n'ai jamais réussi à mettre le doigt dessus. Donc, vous étiez donc le médecin attitré de Madame Baletti toutes ces années, avant que tout cela se passe. Oui, j'étais le médecin de la famille Baletti. Donc, vous devez la connaître un tant soit peu. Donc, est-ce que vous savez si elle a fréquenté ces derniers temps, enfin, avant que... qu'elle décède, peut-être entendu des fréquentations des personnes qu'elle a côtoyées avant. Non, à vrai dire, à partir du moment où j'ai été mis à la porte, si je peux m'exprimer ainsi, je n'ai pas eu de nouvelles, et je crois que très peu de personnes étaient en contact avec elle. Il y avait son majordome qui était le seul à pouvoir continuer à la visiter très régulièrement. Et mis à part le majordome, il me semble que personne d'autre était, et ce médecin, était autorisé à rentrer dans sa chambre. Si vous le voyez, vous sauriez le reconnaître ou vous ne l'avez jamais vu ? Je ne l'ai jamais vu, ce médecin. Le seul homme que j'ai vu approcher de Elena, c'est fut le majordome. Oui. D'accord. Vous n'êtes donc plus le médecin de la famille ? Disons qu'officiellement, ils ne m'ont pas renié, mais je les visite de moins en moins. Ils commencent à prendre service chez d'autres. Et puis, je suis proche de la retraite, vous savez, donc... Oui. Est-ce que... Pourquoi vous avez été mis à l'écart ? Est-ce qu'on vous a présenté des raisons ? Vous savez qui vous a mis à l'écart particulièrement ? Au moment où Madame Baletti a pris un autre médecin ou après sa mort ? Je parle du moment où vous avez été écarté de vous occuper de Madame Baletti. Je ne sais pas. J'ai juste reçu une plaque signée de Madame Baletti elle-même disant qu'elle était suivie par un nouveau médecin. Ok. Pourquoi est-ce qu'on m'a dit alors que vous aviez été son médecin jusqu'à ces derniers instants ? Eh bien, c'était quelqu'un de mal informé, visiblement. Publiquement, à part moi, Baletti et son majordome, personne n'était au courant que j'ai été congédié par Madame Baletti. À cette époque-là, elle ne voyait plus sa famille, donc si c'est quelqu'un de la famille qui l'a dit, je suis désolé. Seuls les gens au courant, oui, il y a les métropolites qui ont enquêté à l'époque, mais... C'est Monsieur Baudard qui m'a dit que vous étiez son médecin jusqu'à ces derniers instants. Je pense qu'il s'est trompé. C'est étrange. Je pense que c'est pas suffisant que ce soit étrange, monsieur. Mais je suis désolé. Je ne peux pas dire autre chose que la vérité. J'ai vraiment été congédié. Si vous voulez, j'ai conservé la plaque que m'avait envoyée Madame Baletti. Elle est abîmée depuis le temps, mais on y retrouve quelques informations importantes. C'est une info qu'il va falloir qu'on creuse avec son ancien majordome. D'accord. Encore, oui. Peut-être même une petite confrontation, ça pourrait être bien. Je vous prie de m'excuser si mes dires ont pu vous causer du tort, mais... Non, mais sachez que cette enquête est assez trouble et chacun a leur interprétation des choses. Et en tant qu'enquêteur, quand nous avons des témoignages qui vont l'un contre l'autre, nous ne pouvons que avoir des suspicions. Alors, ça peut être contre vous, ça peut être contre l'autre personne, mais nous essayons de mettre au clair les choses pour que la vérité soit rétablie. Eh bien, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle le soit. Donc, vous avez tout mon soutien, sachez-le. Tout ce que je peux vous donner, qu'il soit matériel ou pas, je le ferai sans hésiter. Ouais. Je regarde Kornilov, voir s'il n'a pas autre chose à dire, sinon... On se barre. Quelle ville de menteurs. Je crois pas avoir autre chose à dire. Je cogite, mais je ne trouve pas de choses qui s'enclenchent. Vous congédiez du coup le médecin qui retourne du coup à ses services. Bon, ça ne servirait à rien de le triturer plus parce qu'on n'aurait pas, on n'avancerait pas plus de toute manière. Donc, Exactement. Avant de passer à Hugo, attends, oui. J'ai bi. Ah. De cuivre. Ah. C'est le monsieur 2 qui vous disait quelque chose de cuivre. Ça réveille quelque chose en vous? Non, non, je crois pas que c'était ce nom-ci. Il y avait une consonance beaucoup plus vénitienne. D'accord. Bon, bonne journée alors. Merci à vous aussi. Donc, avant de passer à Hugo, je vais passer rapidement à Esther, parce que Esther, ça va être concrètement des jets que je vais te demander. Esther, toi qui, voilà, tu te rends au quartier, tu vas pouvoir saluer, etc. Alors, par si il y a vraiment quelqu'un de particulier que tu as envie de voir et peut-être même faire du replay direct, tu peux me le dire. Mais sinon, je considère que tu fais le tour, tu vas voir ton proprio, tu vas lui expliquer. Enfin bref, quoi. Je considère que tu gères vraiment ce côté-là. Non, ouais, je pense que je vais passer cette étape-là. Parfait. Et donc, tu vas t'installer chez toi et essayer de travailler un peu, comme tu m'as dit, du coup, sur tes prototypes. Et d'abord, sur la miniaturisation, je pense que ça va être l'axe le plus important. Sur là, pardon, j'ai pas entendu. Miniaturisation pour que, okay, par exemple, les pièces plus importantes, par exemple du vélo, puissent tenir dans un format réduit. Oui, oui, ok, je vois l'idée de que ça soit encore plus facilement transportable. C'est ça, ça va alléger le mécanisme, ça va alléger tous les gros trucs qui servent par exemple à le plier, etc., mais qui rajoutent du poids, enfin évidemment tout le système rajoute le truc, et le tout en gardant la même efficacité, évidemment au niveau du vélo, quoi. Il faut qu'il tienne, enfin voilà, faut que ce soit toujours un vélo. Ok, eh bien du coup, je vais te demander un premier test de anthropomécanologie. Voir un peu comment tu t'en sors, sachant que tu as ton bonus habile des mains, parce que ça, je m'en souviens. Et il me semble que ton idéal rentre en jeu, là. Il y a moyen, ouais. Il y a clairement moyen. Je suis en train de reprendre ma fiche sur l'autre écran pour la mettre en grand. Alors, c'est ça. Donc, idéal, je rappelle, tu jettes 3d6 et tu en gardes les deux meilleurs. C'est tellement violent par contre. Plutôt que de faire 6 et 1, je me retrouve à faire 6 et 5, auquel je rajoute 6, donc je fais 11, 17 plus 1, 18. Oui, alors ça c'est un c'est un putain de test. Sachant que t'as combien en anthropomédicologie de manière brute? 6, je crois. Ok. C'est ça. Parce que là, du coup, il faut que j'aille voir les marges parce que tu as fait une victoire. Il est où le tableau des marges? Il va être par là. Excuse-moi. Ah, voilà, il est là. Donc, tu as 6, tu m'as dit. Et tu as fait 18. Hein. Oh, 18. Alors. Ok. Attends, c'est un peu compliqué à comprendre comme tableau. C'est insupportable. Ok. Excuse-moi, c'était le temps que je recomprenne parce que c'est un tableau qui est un peu compliqué à lire pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'est une super réussite, clairement vu le nom que tu as fait, de toute façon, voilà quoi, t'es vraiment à l'aise avec ce que tu es en train de faire. Et tu sais, je t'ai souvent décrit ça, mais quand tu construis, tu as ce truc de palais mental un peu de vraiment basé à cette construction là. Et en fait, tu as visualisé directement ce que tu voulais faire, comment, quelle pièce avoir besoin, etc. Et tu as vraiment genre aucune hésitation, tu sais ce que tu veux faire et tu sais comment tu vas le faire. Donc, ça, tu as beaucoup avancé très vite et le vélo, ça. C'est un univers que je connais particulièrement, vu que j'en fais très régulièrement depuis de nombreuses années. Donc, c'est vrai que je sais exactement à peu près quelles sont les pièces les plus importantes, quels sont les mécanismes qui fonctionnent le plus. Donc, oui, parfait. Eh bien, parfait. Est-ce que tu m'autorises un deuxième round qui, cette fois-ci, va servir à masquer toutes les innovations au niveau du mécanisme pour pas que ça voit plus que ça, en fait, même presque que c'est l'air de vélo normaux de loin, qu'on voit pas que ça se replie ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'aimerais ça va dépendre en fait de toi. En gros, combien de temps tu veux rester concentré sur ta tâche. Soit tu fais ça dans un premier temps et après tu pourras rejoindre tes amis, tout ça, peut-être pour l'enquête, des trucs comme ça. Soit tu décides là, si tu veux, de faire ce deuxième round, mais c'est-à-dire que tu vas vraiment passer tout ton après-midi à vraiment faire que ça. Dans ce cas-là, je pense que je vais sacrifier l'après-midi. C'est pas trop, trop grave. C'est dommage pour l'enquête, mais au moins une fois que ce sera fait, au moins que j'aurai réglé tous mes trucs et tout à côté, à droite, à gauche, on sera tranquille pour un bon bout de temps. Et puis, c'est juste que ça me fait chier maintenant, mais j'ai peur que ça me fasse encore plus chier plus tard. Donc, je me dis qu'il y aura sans doute aucun moment où vraiment je me dirais, tu sais, on a passé l'époque où on savait plus quoi faire dans l'enquête et où on était fini. Là, tous les, il y a tellement de trucs à faire ces prochains. Ok. C'est prochain. Rien que le fait de recruter des métropolites, en effet. Et d'ailleurs, pour ça, moi, j'ai une petite idée, mais je reviendrai vers toi un tout petit peu plus tard. Pas de souci. Il faut que j'ai encore deux, trois trucs, pour le coup, hors RP. Ok. Ouais. Mais parfait. Du coup, je te laisse faire ce deuxième jet, du coup, pour le côté un peu masqué, tout ça. Sachant que ça donnera, du coup... toujours en anthropomécanologie, hein, t'es vraiment dans le même domaine, etc. C'était vraiment dans ton domaine à toi, mais on sait jamais. Il se peut que tu rates un jour, mais ça donne surtout aussi le temps que tu vas passer dessus. Et à la fin, est-ce que tu as vraiment le prototype d'un vélo ou est-ce que tu as quelque chose qui s'y rapproche, mais pas encore parfait? Enfin voilà, quoi, ça me permet de visualiser un peu tout ça. Okay, bah alors, un petit peu moins bon, mais ça reste ok. J'ai fait 2, 3 et 5. Donc ça me fait 8 plus 6 est égal à 14 plus 1, 15. Ce qui reste en fait, oui, un jet relativement excellent. En fait. C'est vraiment. C'est vraiment okay. Mais oui. Et du coup, bravo. Tu passes vraiment du temps. Alors tu vas passer vraiment ton après-midi. Tu vas même finir très tard. Donc il y a peut-être moyen que. Ouais, que le côté social, peut-être pour toi, je préfère te prévenir, de cette session ne soit pas le plus important. Mais par contre, ton projet avance super rapidement. Même beaucoup plus vite que ce que tu t'avais imaginé à la base, parce qu'il y a quand même des mécaniques, des trucs comme ça, il faut quand même gérer ça. Mais tu es méga efficace. Et encore une fois, tu sais ce que. En fait, quand tu lances ton truc, tu sais ce que tu veux faire, tu sais comment faire pour y parvenir, tu sais exactement quelle pièce il faut, à quel endroit, etc. Donc tu as vraiment tout en tête et c'est juste en fait de le faire. Donc. Bravo en tout cas pour ça. Et sache qu'à la fin de la journée, tu auras un premier prototype du coup de vélo qui sera utilisable, qui te semblera déjà assez bien abouti pour faire tes premiers tests et trucs comme ça. Super. Bien. Passons maintenant à Hugo. Hugo. Tu te rends donc au bâtiment institutionnel dans le but, excusez-moi, pardon, je disais donc tu te rends au bâtiment institutionnel de formation dans le but d'aller voir un potentiel formateur, un tuteur, pour... sûrement lui poser des questions, etc. Donc je vais te laisser le faire. Tu arrives à accéder en fait assez rapidement au bâtiment, parce que vous n'êtes pas si éloigné que ça, vous avez une heure au bâtiment institutionnel et le centre de formation n'est pas très loin, donc vous mettez à peu près une heure et demie. Enfin, tu mets à peu près une heure et demie, et donc au bout d'une heure et demie, tu arrives, et donc je te laisse, je te laisse tout simplement prendre les devants de la conversation avec l'homme qui est actuellement en train de gérer quelques affaires et qui est sûrement tuteur là-dedans. Bonjour. Je me présente, Hugo Klebenst. Peut-être nous nous sommes déjà rencontrés. Il y a bien pièce ça, j'étais moi-même ici élève dans ce centre de formation. Je suis membre de la cellule Inter-Empire et je viens m'enquérir de l'état des nouvelles, des dernières promotions, dirons-nous, de métropolite. Oh, eh bien, bonjour. Avec plaisir, je suis prêt à vous aider. Tu vois qu'il regarde un peu le badge que tu arbores et en fait, c'est même plus gradé que lui. Donc, quand il le voit, tu vois que son regard change un peu. Il fait, Tout ce que vous voudrez, dites-moi donc, je vous aiderai autant que possible. Eh bien, je souhaiterais que vous me... Comment dire, peut-être, n'est-ce pas possible tout de suite, mais pourriez-vous me faire une liste de vos meilleurs éléments? Oui. Les personnes aux capacités les plus, disons-nous, développées, qui, selon vous, se démarquent du lot et de la Gens Populi, dirons-nous. Très bien, donc je vais faire ça. J'ai d'excellents profils, hein, sachez, dans mes élèves, j'ai deux gens qui ont, sont pour moi provenir à grand avenir, donc ce sera avec plaisir, je vais vous faire ça et je vous présenterai le meilleur lumière. Vous avez une date Oh, eh bien, le plus vite sera le mieux. Très bien. Pour vous préciser mes critères de recherche, je ne souhaite pas nécessairement une personne qui soit physiquement douée de capacités hors normes, disons-nous, mais d'un sens de la logique et de la réflexion développée. Néanmoins, bien sûr, il ne s'agirait pas de trouver plus un quelconque petit intellectuel. Il faut une personne qui saurait encaisser des coups, bien sûr, mais ça, il ne faut pas complètement négliger la chose physique. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, peut-être pourriez-vous me renseigner aussi, je suis à la recherche d'un maître d'armes. Est-ce que vous sauriez, sur Venise, m'indiquer peut-être une personne avec qui je saurais m'entraîner à l'escrime? Oh, mais bien sûr. Et pratiquer. Si vous rendez dans les quartiers nord, il y a Dame Rita. C'est une homme, mais n'appelez pas par son nom de famille. Elle renie son héritage des concernes, mais elle travaille pour les métropolites depuis bien longtemps et elle est même formatrice de parmi les meilleurs. Elle est tutrice, oui plutôt, des meilleurs avocats duellistes de Venise aujourd'hui. Donc clairement, c'est la personne que je vous recommande sans hésitation si vous voulez vous entraîner à l'escrime. Et sinon, donc, comment va le centre? Y a-t-il beaucoup plus de personnes qui ont pris cette vocation ou qui se présentent aux examens? Je ne sais pas, avec les récents événements qui sont arrivés dans notre belle et bien magnifique cité qui mis un peu, pour quelque temps, l'ordre et la sécurité de nos concitoyens dans un certain état. Eh bien, pour l'instant, c'est une période assez creuse, mais on sait très bien que la vague de recrutement habituelle s'active dès la prochaine teinte. Donc, je m'inquiète guère. Je sais bien que ce centre, qui est déjà actif, sera rempli de nouvelles têtes d'ici une lune. Une lune? Oh oui, c'est le moment où vraiment les gens viennent, parce qu'ils savent qu'il y a le recrutement national, hein, tout simplement, de la ville de Venise, où on remplit, on forme plus que d'habitude, et donc généralement, fin sanguine, ils arrivent et ils remplissent bien les rangs avec des rêves plein les yeux. C'est là où, généralement, les jeunes qui essaient de se réorienter, ce genre de choses. Donc, nous profitons de cette petite lune un peu plus calme, où on a déjà quand même plus d'une cinquantaine d'élèves à gérer, pour vous ajuster, peut-être. Oui, voilà, c'est l'idée. Je vois. Et je me posais la question, est-ce que par le plus grand des hasards, Heilig a repris des personnes sous son aile en tant que tutrice? Non, Heilig, ça se passe plutôt mal en ce moment avec le ministère. Ah bon? Comment se fait-il? Qu'elle avait eu certains problèmes, mais à ce point-là... Disons qu'il y a un désaccord. Vous savez sans doute son passé, hein, ancienne pirate de Nordanie. Elle avait comme mission voilà, de faire passer, d'être tutrice jusqu'à sa libération. Et vous étiez les derniers élèves qu'elle avait besoin du coup de faire passer. Et elle se considère normalement libérée de son contrat. Donc elle a tenté rester dans le premier temps pour avec vous, mais les conditions font qu'elle préfère s'en aller. Mais le ministère considère que son contrat n'est pas tout à fait abouti et qu'elle doit toujours rester sous leurs ordres. Donc il y a un petit froid entre les deux en ce moment. Et c'est un peu compliqué. Du coup, non, elle n'a pas d'élèves sous la main. Je vois. Eh bien, donc, je vous prie donc de me faire parvenir au plus vite une plaque bien entendu. Avec vos meilleurs éléments à cette adresse. Donc, le QG Indigo qui se trouve. Oui. D'ouvrier trouvé. Vous m'enverrez un messager. S'il le faut, j'en prendrai en charge les frais. Donc merci, je vous remercie de tout ceci et je vous souhaite eh bien, merci. Que ça ne vous dérange pas plus. Passez une bonne journée. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Ok. Tu comptes faire autre chose après ou est-ce que tu retournes vers le QG voir un peu ce qui se passe? Eh bien, je compterai me rendre dans le quartier nord afin de rencontrer cette fameuse maîtresse d'armes. Okay. Mais effectivement, peut-être une petite escale au QG Indigo est nécessaire. Ok. Parfait. Eh bien, toi, tu te rends au QG et de votre côté, je vais poser du coup la question à Kornilov et Victor. Ce que vous comptez faire après cet entretien que vous avez eu avec Monsieur Confortini. Je pense que on s'est concerté un petit peu pour aller voir sa rivale Selena. Puisque. Non. En effet. Okay. Au cas où elle aurait des choses, si elle aurait pas envie d'avouer avoir planifié un assassinat sur sa rivale. C'est jamais. Simple, mais... Si elle pouvait nous dire qu'il procédait bientôt, on s'en gagnerait du temps. Ouais. Eh bien, vous arrivez face à elle et elle vous dit « Oui, c'est moi. » Bon, c'est bon. Allez, on se barre. Elle se laisse embarquer et fin de la geste, bravo à vous. Pas mal. À la semaine prochaine. Pas en vacances. Non, évidemment. Vous allez donc chercher. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler son prénom, s'il vous plaît, comme ça, moi je. Selena. C'est Selena, ok. Alors, Selena. Ah oui. J'avais pas le bon scénario sous les yeux, c'est pour ça. Excusez-moi. C'est le scénario final qui passe sous les yeux. Non, mais en fait, j'ai le scénario d'avant, mais le scénario d'avant, on n'a rien à voir, donc il n'y allait pas avoir des infos. Bref, quoi qu'il en soit, on va déjà faire le discours pendant que du coup ma page ouvre. Vous, du coup, vous rendez voir cette fameuse Selena, cette rivale de Madame Valetti. Mm-hmm. Vous allez la trouver vraiment au sein de quartiers que vous avez assez peu visités pour le moment. Et notamment, elle est au nom d'un quartier qui vous fera peut-être sourire ou déprimer, ça dépendra de votre vision de l'enquête, mais elle est au quartier Valetti. Dans ce quartier, dont la plaque qui donne le nom du quartier est clairement une plaque commémorative. Hein, ça a été un changement de nom assez récent, ça se sent, et il y a vraiment encore un côté un peu solennel hein, dans ces plaques-là, où il y a vraiment un petit texte de 2-3 lignes qui a été gravé très finement d'obstèques, c'est ça qu'on dit, je sais plus, oui. J'ai perdu le mot, je suis désolé. Ouais, les obstèques ? Ouais. Ouais. Enfin de, oui, c'est ça, c'est obstèques. Enfin, c'est des phrases, c'est de je sais pas, c'est de repose en paix, tout ça. De... Ah oui. Oui, ce que je veux dire. Oui, oui. Voilà, c'est le genre de phrase-là. Bref. C'est épitaphe, ouais. Ouais, mais épitaphe, c'est les phrases des tombes. Hein. Bah, il me semble que ça marche. Ça marche. Ouais, c'est une petite... Bon, ouais. Ouais, c'est... vous avez l'idée des phrases. Et pour vous décrire un peu le quartier, c'est vraiment le genre de quartier qui, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment visité. Alors, vous avez vu un peu de haute ville, tout ça, vous avez vu des demeures très imposantes. Mais là, dites-vous que ce que vous avez vu dans ce genre de demeure, etc., c'est tout le quartier qui est dans ce genre-là. Vous êtes vraiment actuellement dans le très haute ville. Et vous êtes vraiment, vous savez, entouré de gens qui soit sont des grands nobles, de grands concernes, soit des grands maîtres de loge, soit des grands poétiques, des grands artistes. Quoi qu'il en soit, les grands de cette ville semblent habiter plus ou moins dans ce genre de quartier. Il n'y a pas que le quartier Baletti, mais ça vous donne un peu le truc. C'est très en hauteur, pour le coup. Autant hauteur, vraiment, pour le coup, vertical. Et c'est des quartiers dans lesquels, en fait, on passe en fait, avec des grands ponts, avec... j'utilise cette... Mais je l'ai déjà fréquenté, moi. Oui, non. Alors, moi, oui, c'est vrai, il y a toi dans l'eau. C'est vrai que tu... Ouais. C'est là où ouais, vient ta famille. Donc, évidemment, tu connais des quartiers qui te sont... Je connais. C'est pas inconnu pour tout moi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais, je suis pas très à l'aise, mais je connais déjà. En général. Et il faut voir vraiment que comparé à tout le reste dans Venise, il y a vraiment un côté un peu, vous savez, construction gothique. Donc, c'est des quartiers vraiment où il y a ce côté un peu exagération avec des très jolies courbes. C'est très sophistiqué, voilà, quoi. Exactement. Et quoi qu'il en soit, dans ce quartier, vous allez donc pouvoir accéder à Selena. Du coup, j'ai fait la description. J'ai pas été voir mon scénario. Oui, c'est louche. Parce que tu l'aurais pas mis dans la même catégorie de description que El Procedimento. Ah, mais oui. C'est louche. C'est louche. Non, non, du tout. C'est parce que j'étais dans ma description du quartier et du coup. Ouais. Le quartier El Procedimento. Oui. Avant qu'il soit renommé en quartier Baletti. J'aime pas trop beaucoup ça, comme dirait un certain humoriste. Ça va arrêter. Bon, bref. Vous arrivez donc... Bah, les regards, vous me lancez, c'est terrible. J'ai tourné la tête, je me suis senti, mais... j'ai l'impression que c'était moi le procédimento pendant 30 secondes. J'ai très peur maintenant. Vous arrivez donc, quand vous arrivez, elle est tout simplement en pleine discussion, en pleine âgée. Je ne sais pas si à l'époque on utilisait déjà le terme âgée, mais vraiment, il y a vraiment en fait, un petit groupe et ils sont en train de parler et il y a vraiment un débat, etc. Et elle fait partie notamment des interlocuteurs principaux. Et vous arrivez donc dans cette ambiance-là et dites-moi du coup ce que vous faites. Est-ce que vous attendez qu'elle termine son speech, son AG, etc. Ou est-ce que vraiment vous lancez, vous intervenez, vous allez lui parler discrètement. Enfin voilà. Bref, dites-moi ce que vous faites. Bon, je pense que pour ma part, j'ai pas envie d'interrompre le truc, pas se mettre la fiche quoi. Personnellement, pour l'instant, c'est pas une suspecte. Enfin genre, voilà, on vient juste lui poser quelques questions et pas de. Ouais, on va attendre. D'autant plus que bon. Cornillo va jamais trop fréquenter non plus ces milieux-là. C'est un homme du peuple, Cornillo, étrangement. Donc, ce que Victor considère comme bon à faire, et il va le suivre là-dedans. Pour l'instant, il reste immobile. Très bien. Bah, vous l'avez essayé, ça a duré un peu longtemps quand même. Vous allez devoir attendre au moins une bonne vingtaine de minutes avant que ça se termine. Et la conversation se termine, voilà, en proposant est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, il y a les votes qui sont pris. Ils votent oui majoritairement. La séance est close, tout le monde en fait se disperse. Et elle commence à discuter avec un collègue à côté d'elle. Bah du coup elle est en train de discuter et moi je me rapproche, j'imagine que Kornilov me suit. Et on vient se placer de manière à ce qu'elle nous voit, sans pour autant couper la parole dans la discussion, mais qu'on soit, qu'elle ait conscience que okay. On est là pour lui parler. Quoi. Ouais. Puis vous êtes métropolite, donc ça marche. Pour la décrire un peu, c'est quand même une femme qui a une certaine prestance. Hein. Vous sentez que c'est pas une ancienne doge pour rien. Juste voilà, physiquement, vous sentez qu'elle dégage une certaine stature. Elle a une longue chevelure auburn avec les cheveux tombant sur le côté. Et elle s'approche de vous. Enfin, elle s'excuse à son interlocuteur et s'approche de vous et simplement vient. Messieurs, vous voulez m'entretenir, non ? Oui, ben bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est Selena comment ? Eh bien. Je l'appelle par son nom, parce que je peux dire hey, bonjour Selena. C'est une ancienne doge, j'aurais eu. Salut, copain. Hey, Selé ! Ça va, Selé ? C'est Selena Sensi. Donc C-I-N-C-I. Si vous voulez noter. C-I-N-C-I. Sensi. Oui. Ok. Donc, du coup, je dis bonjour, Madame Sensi. Excusez-nous de vous déranger, mon collègue et moi. Nous sommes ici pour vous poser quelques questions sur feu Madame Baletti. Non, je comprends. Suivez-moi, nous allons nous mettre à l'aise, un peu à l'écart, et ce sera avec plaisir. Ok. Et que s'éloigne un peu et en fait tout simplement va sur une petite terrasse. Vous êtes à l'extérieur, hein, mais voilà une petite terrasse, une petite table qui est installée et simplement vous invite à vous asseoir. S'assoit. Si. Voulez-vous quelque chose pour vous sustenter ? Nous avons du café si vous le souhaitez. Ma foi, pourquoi pas si... Merci beaucoup. Vous voyez qu'elle appelle quelqu'un et un majordome qui semble tenir un peu ce lieu-là qui est à l'extérieur. C'est entre le serveur et le majordome, vraiment. C'est un majordome-serveur. C'est littéralement ça. Quoi. C'est un serveur, mais vraiment pour la hôte. Donc, il a plus l'air d'un majordome. Prend la commande et tout simplement va aller chercher du coup quelques petites tasses de café. Elle est donc toute ouïe à ce que vous avez à lui dire. Alors, voilà, nous sommes en train un petit peu de alors, je n'appellerai pas ça une enquête, mais de mettre un peu au clair un peu les derniers instants, les derniers jours de Madame Baletti et nous avons eu vent comme quoi vous aviez été proches toutes les deux. Mmh. Pour vous, votre proximité, enfin, vous étiez amis, oui, confidente. Nous étions de très grandes amies, pour être tout à fait honnête, nous avons grandi ensemble même. D'accord, donc on part du principe que vous étiez assez à vous confier des secrets ou ce genre de choses. Cela dépend. Il y a eu une certaine période où il y a eu disons un froid à cause de quelques erreurs que j'ai commises, mais disons qu'avant ça et tout petit peu après, oui, nous étions du genre à se confier l'une à l'autre. Mmh. Est-ce que la pièce de théâtre des ombres et des lumières, c'est ça ? Les rayons et les ombres. Les rayons et les ombres vous dit quelque chose ? Ah oui, en effet, oui. C'est une pièce qu'appréciait particulièrement Madame Baletti. Vous êtes allé la voir plusieurs fois avec elle ? Oui, elle avait une sorte de petite obsession. C'était un peu sa façon de s'évader quand elle avait trop de tâches, disons-nous. De fait, je l'ai accompagnée plusieurs fois, mais disons que mon intérêt n'est pas vraiment très grand pour la pièce. Vous n'étiez que toutes les deux ? Ou il y avait des gens avec vous ? Non, il nous arrivait d'être accompagnés. De ? Je ne saurais dire. La plupart du temps, il y avait bien entendu son majordome qui l'accompagnait, et il arrivait qu'un couple nous rejoigne, mais il semblait que c'était un entourage proche de Madame Baletti auquel je n'ai jamais eu vraiment connaissance, et nous avons très peu échangé. Vous ne sauriez pas leur nom, par hasard ? Je suis désolé, ça ne me dit rien. Un couple d'hommes ? Non, il s'agissait d'un couple hétérosexuel. Ils vivaient tout simplement comme ceci, et d'ailleurs, à vrai dire, pour eux, c'était tout à fait normal, vu qu'ils venaient des principautés d'Olmun. Vous savez que là-bas, le discours n'est pas le même. Ce n'étaient pas des gens de Venise, alors ? Non. Je me souviens tout de même de leur accent et de quelques commentaires que nous avait fait Madame Baletti. Ok. Ah putain, c'est vachement chelou. D'Olmun. C'est ce qu'il y a quand même. Alors attends. Olmun. Attends, je te dis ça, c'est sur le Discord, comme ça j'ai besoin de chercher. C'est les principautés traversaires Olmun, ouais, c'est O-L-M-U-N-E. C'est un empire à part entière dans écrit, mais c'est un empire qui n'a pas de ville, hein, n'a pas de cité en tant que telle, c'est principalement des traverses, des jonctions, mais pas vraiment de cité comme Venise, par exemple. D'accord, Venise, d'accord. C'est les seigneurs des traverses qui règnent là-bas. Exactement. D'accord. Ok. Il n'y a pas de chemin de fer, je crois, aussi. C'est que des trucs très archaïques, avec des traverses en pierre et tout. Ouais, parce qu'ils sont contre ce genre de choses, et que traverses de fer, vous savez, c'est le train, ce genre de choses, et eux, ils ont gardé les traverses de pierre, et ils ont le contrôle vraiment là-dessus, ils disent qui passe, qui passe pas, quoi. D'accord. Est-ce que vous auriez connaissance d'une personne ? Alors, excusez-moi, la question va peut-être vous sembler un peu vague, mais il s'avère que il y aurait une personne qui était proche de Madame Baletti. Mais de son nom, nous n'en avons que le début. C'est un homme, et son nom commencerait par de quelque chose, qui serait vénitien. Vénitien. Est-ce que dans les connaissances directes de Madame Baletti, vous auriez une personne qui pourrait correspondre ? Est-ce une particule nobilaire ? A priori. De ce que nous a dit, non. Ça élimine déjà tout ce qui est baron, noble. Il aurait été un médecin, ce que nous avons compris. Un médecin ? Oh non, ça me dit rien. Je connais bien le médecin de Madame Baletti. Mais son nom ne correspond pas du tout. Il s'agissait de monsieur Confortini. Non, ce n'est pas mon médecin. Et vous le connaissez bien juste humainement ? Oui, je le connais bien, parce que nous en parlons des fois avec Madame Balietti, et voilà. Ma connaissance, disons, est plus une connaissance voilà, de surface. Mais malgré tout, ça reste un médecin très respectable et recommandable. Quelle a été la dernière fois où vous avez rencontré Madame Balietti? C'était au moment de sa maladie, un peu avant? Mais c'était en... De longtemps avant. Quelques lunes avant. Que je me souvienne, pour raconter un peu comment ça s'est passé, mais vous savez, j'ai repris vraiment contact avec elle en 1124, soit quelques teintes avant sa malheureuse disparition, et malheureusement, je ne sais guère ce que vous a dit sur moi, mais il fut un temps où je faisais partie de ceux qui tentaient de lui mettre des bâtons dans des roues. Et... Sachez que je regrette amèrement aujourd'hui, et sachez qu'aujourd'hui je fais partie de ceux qui défendent encore sa cause aujourd'hui, et notamment votre présence même dans cette ville, hein, qui est, ma foi, pas mal encore discutée. Et lorsque j'ai pu la revoir, ça a été si peu de temps, c'est ce qui m'attriste. C'était soudain et je regrette de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle. Elle est morte en... c'était son anniversaire il y a 2 jours de ça, de sa mort. Elle est morte le 23. Et la dernière fois, j'ai dû la voir, c'était en début verdé, je dirais, de 1125. Et après ça, elle est tombée malade et elle s'est longuement fermée. Et plus personne n'a pu aller voir. Pas même moi. Quand vous regardiez les pièces de théâtre, cette fameuse pièce de théâtre avec elle, à quel théâtre c'était? Je ne saurais dire. C'était pas dans un théâtre, c'était dans une salle privatisée par Madame Balietti. Il me semble que la salle servait aussi de réunion et je me souviens plus de l'endroit, mais ça se passait pas très loin de Méandre. Méandre, pour rappel, c'est la plateforme centrale de Venise. C'est la grosse jonction de tous les quartiers de Venise. Et c'est là où, par exemple, vous avez fait la cérémonie d'ouverture de la fête de la photographie le jour de protection de... Festival, ouais. Ouais, du festival, ouais. Okay. Pour resituer un peu Méandre. Est-ce que le nom de Photius Isamboras vous dit quelque chose, notamment lié à ces pièces? Oh non, vous savez, moi ma spécialité c'est la musique, pas le théâtre, et vous devriez. Je suis désolé, mais j'en ai pas grand chose à faire. Si vous suivez la musique, est-ce que le nom de Zanetti vous dit quelque chose? Zanetti? C'est ça? Tu parles de Maria? Oui. Azinati. Toi pour moi, Azinati. Non. Cela me dit rien. Pourquoi donc cette question? Non, c'est... Nous essayons un petit peu de mettre en avant des noms de personnes qui auraient gravité autour de Madame Balietti, et ces noms sont essayons d'entrecouper, tout ça. Donc forcément, si des noms vous évoquent quelque chose, peut-être pouvons-nous créer des connexions. Voilà, tout simplement. C'est quand on a dit l'un des deux morts de Baletti déjà ? La date de mort de Baletti, c'était le 23-2 de Sanguine, 1125. Ouais. Est-ce que vous sauriez si elle avait les gens qu'elle a fréquentés dans les derniers instants avant qu'elle tombe malade, si vous avez des noms qui viendraient vous avant à vous dire la dernière chose qu'elle a faite avant de tomber malade, c'était de se rendre sur une traverse pour une visite officielle. Cependant, c'est la supposition de là où elle a été malade, mais du coup, je ne saurais dire, parce que mis à part son majordome, elle n'était pas spécialement accompagnée comme d'habitude. Et la traverse, c'était laquelle ? Vous savez pas où... C'était une traverse sur le... Je me souviens d'un élément, c'est qu'elle était située pas très loin d'un bagne, du bagne principal de Venise. Je ne gère pas ça, c'est maintenant le ministère de la guerre qui gère le bagne, mais ouais. En collaboration avec votre ministère d'ailleurs. Mais... il y a un bagne non loin d'ici, enfin non loin, il y a quand même quelques bons jours de marche pour y accéder, et la traverse qui permet, qui sert de passerelle pour traverser jusqu'au bagne, est une, la traverse qu'elle avait traversée, enfin qu'elle avait visitée avant qu'elle tombe vous malade. Connaissez pas le, vous ne connaissez pas le nom de ce bagne, ça ne vous dit rien Je ne sais plus, mais n'importe qui de votre ministère pourra le dire. C'est une de vos activités assez importantes. Ok. J'avoue que dans mes fonctions, maintenant que vous êtes là, j'aime ne pas avoir à gérer ce genre de questions. Ok. Donc, je suis rendu près d'un bain. Il est temps de retourner se taper la tête contre Demi. Écoutez, en tout cas, merci pour le temps que vous avez consacré. Voilà, sachez que si jamais il vous revenait à l'esprit des informations qui seraient susceptibles de nous aider, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Eh bien, merci à vous et j'espère que votre petite recherche mènera à quelque chose de positif. Oui, nous espérons aussi. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, Madame Cincy. Merci. Ok. Déjà. Ouais. Est-ce qu'on retourne voir le majordome? Ça va être à faire, je pense. Hein. Pourquoi on veut le revoir déjà ? Bah parce que c'est pas cohérent avec ce que nous a dit le médecin. Oui, le médecin, c'est... Voilà. Et je me souviens plus. Est-ce qu'on sait que Clint, notre cher baronnet Clint, a été dans un bagne avant ? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on savait de lui. Eh bien... Je peux répondre à cette question-là, ce que vous n'avez peut-être pas pris en note, parce que ça a été pendant la période de transition entre la geste 1 et la geste 2. Ouais. Mais à la fin de la geste 1, nous a demandé à Alceo de accéder au dossier un peu interdit qui était caché par rapport à Clint. Et effectivement, il a fini par le trouver et il vous l'a fourni. Je vous avais fait un petit récap rapidement de ce que vous avez lu dedans, mais comme il y avait déjà d'autres choses à gérer, je ne sais pas si vous avez pensé à prendre des notes là-dessus, donc je joue fair play. Je vous rappelle un peu ça parce que voilà, au pire on peut dire que c'est le moment où vous êtes retourné au QG, vous avez recherché ce qu'on vous avait dit, voilà. Clint, vous savez donc officiellement que oui, il a été dans un bagne. Par contre, un bagne assez lointain. Par rapport à ça, parce que c'est un bagne qui se situe... si je dis pas de bêtises, il faut que je relise le truc que j'ai pas sous les yeux, mais de souvenir, c'est plutôt vers le Lansk. Il faut que j'aille vérifier, mais... En tout cas, je sais que c'était pas... on parle de bagne, enfin du bagne où était Clint, parce que vous avez eu le dossier, donc je résume ça. Si c'est pas le Lansk, en tout cas, je sais que dans tous les cas, c'est pas un bagne qui est lié à Venise, et que vous avez appris qu'il a raconté qu'il avait été agressé et que le bagne avait été attaqué par un hurleur géant, ce qui paraît totalement assez inconcevable, puisque personne n'a jamais parlé du hurleur de cette taille-là, etc. Et du coup, ouais, ce bagne, vous en êtes au courant pour Clint, vous êtes au courant de pourquoi, et en fait, vous savez du coup que il a fui jusqu'à Venise, et en fait, à Venise, il a traîné dans les bars jusqu'à temps qu'on lui propose de devenir baronnet et qu'il ferme sa bouche. Mmh. Ouais, donc ça n'a aucun rapport avec notre bagne à nous. Et est-ce que du coup ça c'est vraiment le Victor qui part directement à la conteuse, est-ce que comme c'est en dehors de Venise, est-ce que c'est une traverse ou quelque chose qui peut avoir un lien avec moi là où j'ai été? Non, c'est pas dans la même zone. D'accord. T'étais quand même plus proche. Là il y a vraiment genre si vous voulez partir il faut compter facilement 2 semaines de trajet. D'accord. Alors t'es parti longtemps, mais il n'y a pas eu que ça, parce que voilà, tu le sais, ça s'est passé en plusieurs parties. Mais là, en gros, pour vous, c'est même impossible de toute façon de vous rendre là-bas, parce que en gros, l'aller-retour, il faudrait que vous partez à Paris. Genre vous y allez, vous dites bonjour, vous repartez et vous partez à Paris, quoi. Ça serait peut-être compliqué pour vous. Ouais. Ah là, d'accord. Écoute, pour l'instant, c'est... À part si on va voir notre petit majordome préféré, pour l'instant, on a fait chou blanc. Il va être très heureux de nous voir, ce majordome. Dites-moi, monsieur. J'ai envie de poser la question, du coup, pour le majordome, est-ce que vous attendez le lendemain? Parce que de toute façon, il y a énormément de trajets hein, entre les... Parce qu'il vit à l'extrémité de Venise, encore une fois. Mmh. Donc, sachant que vous allez devoir passer une demi-journée en vélo, si du coup Esther vous les rend pour vous rendre chez lui, ouais. Est-ce que vous préférez pas y aller du coup avec le groupe le lendemain? Oui. Ou est-ce que... C'est mieux. Ok. Ça lui fera plaisir en plus, il va revoir toute la troupe. Ok. Voilà. Vu l'heure, on va passer à ça. Je prends en compte ce que voulaient faire les autres. Et je le diluerai dans le truc, notamment voilà Hugo, même voilà, on ellipse un peu cette rencontre-là, mais moi je la prends en compte le fait que tu avais l'intention d'aller voir la maîtresse d'armes et voilà, ça sera pris en compte qu'il y a vraiment eu un contact. C'est juste qu'on ellipse comme ça, vu l'heure, on peut passer à ce moment-là et comme ça on continuera avec cette discussion. Si ça va à tout le monde cette petite ellipse temporelle. D'accord. Eh bien, du coup, le lendemain, donc le 27, si mes souvenirs sont bons, à force de parler de dates, je commence à me perdre moi-même. Non, le 28, du coup. Donc le lendemain, le 28, vous décidez, après avoir eu un récap à tout le groupe, etc. Vous êtes donc décidé le lendemain d'aller voir de nouveau le majordome. Vous traversez grâce... Alors, Esther, est-ce que tu as ramené les vélos ou est-ce qu'ils restent pour l'instant dans ta fabrique? Ah, bien sûr. Ils restent dans la fabrique, visiblement. Donc, ah, tu les as ramenés? Ok. Tu les as ramenés. Bon, pour l'instant, vous voyez pas beaucoup d'évolution, mais après tout, elle a passé qu'une demi-journée là-dessus. Il ne fallait pas vous attendre à avoir une grande évolution du premier coup, donc ça vous surprend pas tant que ça. Vous prenez le vélo et après une petite demi-journée de pédalage, vous arrivez devant la fameuse demeure de Monsieur de Cuivre, avec ses énormes portes encore, hein, qui font 2 mètres et demi de haut. Et il vous reste... Debuffs, hein. Par contre, vous le savez qu'on va prendre des buffs. Parce qu'on vient sur les lieux où on a fait chier. Je ferme ma gueule, c'est Victor, le meilleur copain de Kano, qui s'en chargera. Non, de toute façon, là, je reste en retrait, j'ai déjà foutu la merde. Mais frapper genre tranquille, tu vois, genre pas ouais. Frapper... Alors, vous frappez avec un heurtoir parce que voilà. Le métal, ça fait mal au poing. Vous prenez le heurtoir, vous faites toc, toc, toc. Mais tu sais, de façon très cordiale, tu vois. J'ai pas compris, on est ensemble ou pas, du coup? Oui, du coup, vous êtes tous les quatre là. Ok. C'est la raison pour laquelle je suis allé livre sur ça, il y a tout le monde et ça me permet, moi, d'avancer là-dessus. Tout en prenant en compte, encore une fois, ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Bref, vous toquez. Vous entendez au loin une voix un peu résonnée, tout étouffée, hein, évidemment, par le métal, disant j'arrive, j'arrive. Les portes s'ouvrent très lentement, encore une fois, il y a un poids énorme. Et vous vous souvenez que déjà, la première fois, il s'était un peu cassé le dos pour vous ouvrir. Et voilà que ça recommence. Et lorsqu'il vous voit, il se redresse. Vous êtes revenu. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, nous sommes revenus, mais ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas vous prendre trop de temps. Nous aimerions vous poser une ou deux questions, toujours sur cette affaire. Voilà. Soit. Nous avons mon collègue je vous et prie, moi. Oui. Pas dans la rue ici. Rentrez. Ok. Merci. Vous fait rentrer dans la même salle que la première fois, donc celle juste en face où se trouve le fameux monsieur de cuivre. Les portes refermées. Il s'assoit tout simplement avec vous et s'installe sur la même chaise, au même emplacement que la première fois. J'espère que Monsieur de Cuivre va bien. Oh oui, il était soulagé de savoir que vous ne l'embêterez plus. Ça n'arrivera plus. N'ayez crainte. Oui, nous avons mon collègue et moi, il se présente, donc je monte Kornilov de la main. Une petite conversation avec le médecin de famille des Baletti. Mmh. Celui-ci s'est montré plutôt, on va dire, outré du traitement qu'il a reçu par rapport à Madame Baletti, puisque on l'a clairement congédié et il nous a dit qu'il n'a pas pu du tout s'occuper du traitement de celle-ci. Et de souvenir, il me semble que vous nous avez dit que c'était lui qui avait pris en charge Madame Baletti. Eh bien, je vais vous répondre sans détour, il ment. Mmh. Et pourquoi mentirait-il? Quel est son intérêt? Je ne sais pas. Je ne suis pas à votre place d'enquêteur, mais chose sûre, il a été médecin jusqu'au dernier souffle de vie de Madame Baletti. Vous êtes donc d'accord pour faire une confrontation avec lui? Bien, soit, mais je ne vois pas ce que ça vous apporterait. Je dirais qu'il ment, tout simplement, il dira sûrement que moi je mens. Et donc? Et donc l'un de vous deux ment, et nous devons absolument savoir qui. Et je pense que dans l'intérêt de tous, il faut que très vite on mette au clair cette situation. Et comme il se fait dans n'importe quelle enquête, quand des gens mentent, nous devons les confronter. Soit, mais je... De toute façon, moi, je collabore, vous savez bien, donc... Bah, ça tombe bien, puisque lui aussi. Donc, sur ce point-là, nous n'aurons pas de problème. Je regarde les autres, quand même, parce que je suis là, mais je suis pas tout seul. Surtout Kornilov, qui est blasé. J'ai déjà fait foutu trop la merde la dernière fois. Pour l'instant, j'écoute juste. Le truc du sans détour, j'y ai pensé, mais je n'interviens pas. Est-ce que pour une fois, parce que j'ai envie de dire, ça fait quand même longtemps, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des dés pour un dire peu, la violence. Alors oui, effectivement, si tu utilises des dés pour la violence, hein, parce que ça représente dans les crimes, on ne jette pas les dés pour du social. Hein. Non, on jette les... On le tabasse là, bien comme il faut. Non, mais comment on fait pour savoir s'il nous ment ou pas ? Ah bah, tu me poses la question et moi je te réponds. Je rappelle un truc de base dans les crimes, la perception n'existe pas. Par exemple, si quelqu'un vous suit et veut vous planter, si vous ne me dites pas, je vérifie derrière moi qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut me planter, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis, et mais bah, juste je rejette un de coup savoir si... bah, voilà. J'essaie de savoir s'il me raconte des conneries. Ok. Victor, pour toi, bah, c'est un peu compliqué à dire déjà parce qu'il est très franc, très direct, donc tu sais, il a juste dit, il ment et puis il tient sa position, mais il a l'air plutôt sincère. Tu sens que c'est un peu chelou, pas incroyablement sincère. Hein. Mais enfin, il t'a pas l'air d'être en plein mensonge où il cache énormément de choses, voilà, paniqué quoi. Okay. D'autant plus, voilà, c'est d'autant plus pour ça qu'il faut les confronter. Parce que je pense que le fait qu'ils soient l'un en face de l'autre à essayer de voilà, ben, à un moment, l'un ou l'autre peut se trahir et. Nous, en tant qu'observateurs et en mettant un peu de pression sur l'un comme sur l'autre, en mettant l'accent sur le fait que si on apprend que l'un ment ou pas, bah, genre, ça peut occasionner des choses graves pour celui qui ment. Mais balivernes, enfin, moi, je le dis, on a la méthode efficace pour mettre à la gêne quelqu'un qui a porté ses fruits complètement la dernière fois. Eh bien, moi, je vous le dis, on retourne. Vous savez exactement à quoi je pense. C'est juste... pas avec les mêmes personnes. Voilà. Je veux dire avec le médecin et le majordome ? Non. Je pense que le majordome, je lui fais confiance. Il a mon entière et complète confiance. Je n'étais pas là lors de votre entrevue plus ou moins amicale, donc je ne saurais pas dire cela, mais je pense que... Je suis insinué que j'ai envoyé un petit MP à quelqu'un. Ok. Oh, ça m'énerve ces gens qui mentent. Hein. Je tiens à dire que je ne sais pas. La violence risque de nous poser soucis, mais malheureusement, il y a de fortes chances qu'ils nous mentent. Alors, qui nous mente ? Qui ? Le majordome. Non, le médecin. Mais non. Je sais pas comment. Bon, nous, on n'était pas là. Hein. Est-ce que le médecin avait l'air spécialement convaincant ou pas, mais... Donc, nous n'avons pas énormément creusé, pour être honnête. J'ai vu la première fois comment est-ce qu'il se comportait. Alors, encore une fois, voilà. Moi, j'essaie de me faire discrète un petit peu par rapport à Kaino et tout. Mais bon, l'important, ça reste quand même l'enquête. On a vu comment est-ce qu'il se comportait la première fois, comment est-ce qu'il paniquait, qu'il nous suppliait, qu'il nous disait à quel point il était innocent et tout ce qui va avec. Et pourtant, il nous mentait. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait pas menti sur ça aussi ? Écoutez, je vais vous dire, Oui. Je vais vous dire une chose. Moi, je le crois complètement parce que au vu de son passé, cette fin, je suppose qu'on s'est un peu réunis avant de dire ça et qu'il est pas trop avec nous. Mais non, oui, non mais totalement. Passé, je l'ai considéré dès de base. Hein. Vous êtes éloigné, vous êtes dans le couloir là. C'est un militaire. Il faut le buter. Et les militaires. Non mais moi, je suis pour leur replonger dans. Donc, ça, le majordome, c'est un militaire. Et en fait, bah, tu vois, un militaire, ça obéit aux ordres. Et au bout d'un moment, pour le faire craquer, tu vois, on l'a fait craquer, tu vois ce que je veux dire. Et genre, tu peux pas aller plus loin que ce qu'on a fait nous. Ou alors, c'est pas possible. Bon, tout simplement. Il a un peu de militaire de je respecte le secret défense et je le respecte que dans un espoir le plus simple. Ouais, mais par exemple, j'ai envie de te dire, au vu de la réaction de Cagno quand vous avez fait ce que vous avez fait, il devait bien se douter que vous n'iriez pas jusqu'au bout. Cagno s'est pas énervé par rapport au majordome ici. Mais de cuivre, mais c'est un agent de cuivre, c'est du personnel de cuivre, donc. Et alors, mais... c'est toujours le but maintenant. Je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'on a l'impunité de pouvoir tuer son majordome sans que nous ayons des répercussions assez importantes. Oh, monsieur de cuivre rouspétera, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que ça impactera notre carrière au plus niveau? Je pense que oui. Moins que ce qu'on a fait. Par le passé. Et au pire, monsieur de cuivre... Non, je... Honnêtement, je n'étais pas là. Donc c'est compliqué pour moi de donner mon avis. En même temps, vous n'avez pas l'air d'être très d'accord entre vous. Nous avons suspendu le majordome au-dessus de l'écrit, mais avec des chaînes. Ah, on l'a un petit peu heurté, c'est vrai. Mais la seule personne qui était là présente chaque fois, c'était Kornilov, qui avait le médecin, qui avait le majordome, et la première et la deuxième fois. Après, le médecin, nous ne l'avons pas vraiment cuisiné. Ça a été assez bref. Nous avons voulu être assez calme sans mettre trop de pression sur lui. S'il faut les taquiner un petit peu, je pense que l'idéal serait Paire de chaînes. Non, mais dans un premier temps, de les confronter, quitte à ce que peut-être même on en touche un mot à Cagno pour lui dire que nous sommes clairement dans une situation qui a son importance dans l'affaire, et que si deux personnes mentent, quelle serait selon lui la bonne procédure à suivre. Et dans ce cas-là, on se mettrait un peu à l'abri. On a votre faiblesse. Non, je ne pense pas. Je pense que ça nous mettrait un peu dans une bonne situation, puisqu'on jouerait avec les règles de Cagno, et si Cagno nous appuie... alors on sera plus tranquille pour faire ce qu'on doit faire. Et je pense qu'en mode de persuasion, Cagno touche sa bille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut très clairement mettre le médecin à la gêne, tout simplement. Et contrairement à notre cher ami majordome, il n'a aucune formation, il n'est absolument pas paré psychologiquement pour tout ce qui va lui suivre. À lui arriver, donc ça se réglera très très rapidement sans aucun problème. De toute façon, le majordome a mon entière et toute ma confiance. Je suis convaincu qu'il nous a dit la vérité. Maintenant, bien. Voilà. Je pense que ton avis est malheureusement un petit peu biaisé, mon cher Hugo. Je suis d'accord avec Hugo. Alors, si jamais bon, ils veulent nous dire autre chose. Mais... La dernière fois aussi, il était au bord du gouffre, et pourtant, le seul moment où il nous a parlé, c'est le moment où on l'a décroché de sa tringle, au-dessus de l'écrit. Du haut duquel nous ne l'aurions évidemment jamais fait pour tomber, mais ça, c'est, il ne le savait pas. Il ne savait pas que nous étions des esprits aussi, finalement, bienveillants en un sens, même si nous utilisons parfois des méthodes un petit peu impactantes. Mais bon, en même temps, tel est notre métier. Et ses fruits. Écoutez, il faut qu'on se décide. On n'a pas 36 solutions. En plus, il attend à côté. On ne va pas le faire traîner trop longtemps non plus. Est-ce qu'on part du principe que, dans un premier temps, je dis bien Hugo, dans un premier temps, on puisse les confronter tous les deux et voir comment les choses se passent. Auquel cas, si on décèle un doute, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, eh ben on agira en conséquence. Et après, majordome, mais pourquoi pas, oui. Enfin, si ça peut en tout cas vous convaincre et vous satisfaire là-dedans, oui, j'imagine. Parce que ce qui va, je suis catégoriquement opposé à ça, car je vous dis, le majordome m'a entière et unique et toute ma confiance. Pour moi, c'est un homme d'honneur qui nous a tenu parole, et je suis tout à fait opposé à lui refaire quelconque sévice, que ce soit d'une quelconque manière. Que ce soit d'une quelconque façon, je ne suis pas prêt à le refaire. Et si vous souhaitez le faire, néanmoins, je ne m'y opposerai pas. Si jamais la majorité du groupe semble... Néanmoins, je ne veux pas y participer. Par sévice, j'entends n'importe quel sévice, qu'il s'agisse d'un interrogatoire corsé, que d'un... tout simplement, ce que nous avons pu faire par le passé. Ah non, mais on parle pas de ça. On parle juste d'une confrontation avec le médecin. Il n'y a pas de sévice à avoir. Je trouve que cette confrontation serait un sévice moral et déshonorant pour cette personne qui a acquis ma confiance et à qui j'ai promis de mon aide et mon approbation. D'accord. Eh bien, écoutez, Esther, est-ce que cela te convient-il de faire cette confrontation ? On perd du temps précieux, mais à la limite, peut-être que dans ce cas-là, j'irai travailler, faire mes affaires pendant que vous faites et j'irai suivre vos conclusions, je sais pas trop. Mais on reste une équipe et si jamais ça peut vous aider à réaliser tout ça, il n'y a aucun souci. Mais au bout d'un moment, honnêtement, toi, je peux comprendre, à la limite, Victor, tu n'étais pas là la première fois, mais on l'a déjà vu nous mentir, regardez-le, c'est évident qu'il nous cache encore des choses. Ce type est pas net de A à Z, il serait prêt à mourir pour ses idées, c'est évident. Et c'est tout à son honneur. Il a plus peur de ce qui pourrait lui arriver en disant la vérité que de nous. Et ça, c'est évident, c'est indéniable. Et vous, Kornilov, au-delà de... Excusez-moi, non, allez-y, je vous ai coupé, Esther. J'ai une idée me traverser l'esprit pour lui floquer une bonne frousse, mais honnêtement, c'est pas très réalisable. Je passe à autre chose. Dis-moi. Mais néanmoins, n'hésitez pas, toute idée est bonne à prendre. Je pense qu'un masque serait de bonne aloi, c'est ça ? Non, vraiment, il n'y a aucune chance que ce soit une bonne idée, quelle qu'elle soit. Bon, Kornilov. Kornilov, vous, au-delà de votre posture, vous disiez que vous étiez d'accord quant à l'innocence de notre ami. Que pensez-vous de cette idée de confrontation entre nos deux suspects ? Même si cela me gêne énormément de le qualifier ainsi. Je pense que s'il faut le faire, on peut le faire, mais je suis de l'avis que si on allait nous-mêmes confronter le médecin maintenant, on pourrait s'en occuper nous-mêmes. Donc tu veux mettre au supplice le médecin pour le faire parler ? Oui, je serais de cet avis. Je veux pas forcément refaire la même chose qu'avec le majordome, mais je pense que rien que de l'accuser, de le mettre à bout en lui parlant serait suffisant, je pense. Nous avons les preuves maintenant qu'il nous ment. En tout cas, on peut lui faire penser que nous avons les preuves qu'il nous ment. Il va falloir être convaincant. C'est là tout le problème, c'est que nous n'avons en soi rien du tout. Comment ça ? Envers ce médecin, nous n'avons rien du tout. Eh bien si, nous avons les affirmations d'un homme d'honneur qui nous a affirmé que cet homme nous a menti. Exact. Oui, mais... S'il faut, en avançant, on inventera le fait que le reste de la famille Baletti ait dit la même chose. De ce que nous sachions, nous n'avions absolument rien contre Clint avant qu'il ne nous... rien, aucune chose, aucune piste nous indiquait quelque chose. Soit, mais moi ça me pose en soi pas de problème, mais quand j'entends que vous n'êtes pas d'accord entre vous, alors que je n'étais pas présent, donc je ne peux pas le savoir, mais je vois que vous êtes en total désaccord. C'est pas genre un petit peu, c'est totalement. Esther et vous n'êtes absolument pas d'accord sur la culpabilité du majordome. Donc c'est, mettez-vous à ma place, c'est quand même compliqué pour moi de parce que vous êtes totalement pas d'accord. Donc quelque part, de les confronter, peut-être que des choses vont se dire. Peut-être que le fait que les deux se balancent des choses au visage, peut-être qu'ils vont parler plus que ce qu'ils auraient pu le faire avant. En s'invectivant, je ne sais pas. Mais bon, comme vous voulez, on peut aller torturer le médecin, mais je préfère, dans ce cas-là... Oh, mais pas forcément torturer. Non, mais on est d'accord, mais je préfère dans ce cas-là en aviser Cagnon. Je ne peux pas me retrouver avec une marque de main sur mon visage. Eh bien, quitter les métropolites. Ah non, mais j'en réfère à mon supérieur direct. Et je lui demande si nous pouvons le faire. Je pense que vous respectez le règlement, Hugo, et que c'est la chose à faire. Je respecte le règlement, mais je sais faire preuve d'indépendance et d'autonomie, comme ma fonction le demande. Ok, et regardez où ça vous a mené. Une marque de main sur le visage. Et des résultats très probants. Vous entendez le majordome qui, du coup, était en train de s'occuper, comme vous avez demandé, d'être un peu tranquille. Il est parti s'occuper du reste de la maison, hein, c'est son métier. Et vous entendez tout simplement descendre les marches et arriver à votre niveau. Et... Monsieur, l'entretien va-t-il continuer ou nous arrêtons là pour aujourd'hui? J'ai pas mal de travail, j'aimerais savoir... Non, on va vous laisser tranquille. Et là, on sort des chaînes. Bon, on va continuer encore un peu. on va vous laisser tranquille. Mais il est probable que peut-être qu'on revienne vers vous une autre fois. Eh bien, soit. Je vous raccompagne. Il se dirige à la porte, il la réouvre avec beaucoup de difficultés. Et tout simplement, vous sortez de là. C'est vrai que... oui, je rappelle, les portes, hein, sont vraiment genre des trucs de château. Mais pour une maison, du coup, c'est vraiment genre méga chiant de les ouvrir. Donc, à chaque fois, ils les ouvrent avec difficulté. Et donc... quand vous sortez, bah vous êtes salué par les voisins d'en face, un peu curieux de voir des gens rentrer et sortir de mes chaises de cuivre, chose qui n'arrive jamais. Et alors que vous entendez un peu les petits chuchotements en mode « Ah, c'est encore eux, c'est trop cool, il a des invités et tout ça »,